Le lendemain de cette soirée au platane, dès le petit jour, le prêtre Grégory était dans la chambre du Tarasconnais. « Vite, vite, habillez-vous. Votre mauresque est retrouvée. Elle s'appelle Baya. 20 ans, jolie comme un cœur, et déjà veuve. »« Veuve ? Quelle chance ! » fit joyeusement le brave Tartarin, qui se méfiait des maris d'Orient. « Oui, mais très surveillé par son frère. »« Ah, diantre ! Un mort farouche qui vend des pipes au bazar d'Orléansville. » Ici, un silence. « Bon, reprit le prince, vous n'êtes pas homme à vous effrayer pour si peu. Et puis, on viendra peut-être à bout de ce forban en lui achetant quelques pipes. Allons vite, habillez-vous, heureux coquin. » Pâle, ému, le cœur plein d'amour, le Tarasconnais sauta de son lit et boutonnant à la hâte son vaste caleçon de flanelle. « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? » « Écrire à la dame, tout simplement, et lui demander un rendez-vous. » « Elle sait donc le français ?» fit d'un air désappointé le naïf Tartarin, qui rêvait d'Orient sans mélange. « Elle n'en sait pas un mot, » répondit le prince imperturbablement. « Mais vous allez me dicter la lettre, et je traduirai, à mesure. »« Oh, prince, que de bonté !»« Vous pensez qu'on n'écrit pas à une mauresque d'Alger, comme à une grisette de Beaucaire ?» Malheureusement, l'affaire, quoique bien lancée, ne marcha pas aussi vite qu'on aurait pu l'espérer. Très touché, paraît-il, de l'éloquence de Tartarin, et du reste, autre quart séduite par avance, la mauresque n'aurait pas mieux demandé que de le recevoir. Mais le frère avait des scrupules, et, pour les endormir, il fallut acheter des douzaines, des grosses, des cargaisons de pipes. « Qu'est-ce que diable Baya peut faire de toutes ces pipes ?» se demandait parfois le pauvre Tartarin. Mais il payait quand même, et sans lésiner. Enfin, après avoir acheté des montagnes de pipes et répandu des flots de poésie orientale, on obtint un rendez-vous. Je n'ai pas besoin de vous dire avec quel battement de cœur le Tarasconnais s'y prépara, avec quel soin ému il tailla, lustra, parfuma sa rude barbe de chasseur de casquettes, sans oublier, car il faut tout prévoir, de glisser dans sa poche un casse-tête à pointe et 2 ou 3 revolvers. Le prince, toujours obligeant, vint à ce premier rendez-vous en qualité d'interprète. La porte s'ouvrit. La dame attendait, accoudée sur un lit bas. Au premier abord, elle parut au Tarasconnais plus petite et plus forte que la mauresque de l'omnibus. Au fait, était-elle bien la même ? Mais ce soupçon ne fit que traverser le cerveau de Tartarin comme un éclair. La dame était si jolie, avec ses pieds nus, ses doigts grassouillés chargés de bagues, roses, fines, et sous son corselet de drap doré, sous les ramailles de sa robe à fleurs, laissant deviner une aimable personne, un peu boulotte, friande à point et ronde de partout. Le turdambe d'un narguilé fumait à ses lèvres et l'enveloppait, toute d'une gloire de fumée blonde. En entrant, le Tarasconnais posa une main sur son cœur et s'inclina le plus mauresquement possible en roulant de gros yeux passionnés. Baya le regarda un moment sans rien dire, puis, lâchant son tuyau d'ambre, se renversa en arrière, cacha sa tête dans ses mains et n'en vit plus que son cou blanc, qu'un fou rire faisait danser comme un sac rempli de perles.